Depuis le premier jour de son mariage, jusqu'en ce moment, la baronne avait aimé son mari, comme Joséphine a fini par aimer Napoléon, d'un amour admiratif, d'un amour maternel, d'un amour lâche. Si elle ignorait les détails que Crevel venait de lui donner, elle savait cependant fort bien que depuis 20 ans, le baron lui faisait des infidélités. Mais elle s'était mis sur les yeux un voile de plomb. Elle avait pleuré silencieusement, et jamais une parole de reproche ne lui était échappée. En retour de cette angélique douceur, elle avait obtenu la vénération de son mari, et comme un culte divin autour d'elle. L'affection qu'une femme porte à son mari, le respect dont elle l'entoure, sont contagieux dans la famille. Hortense croyait son père un modèle accompli d'amour conjugal. Quant à Hulot, fils, élevé dans l'admiration du baron, en qui chacun voyait un des géants qui secondèrent Napoléon, il savait devoir sa position au nom, à la place et à la considération paternelle. D'ailleurs, les impressions de l'enfance exercent une longue influence et il craignait encore son père. Aussi eut-il soupçonné les irrégularités révélées par Crevel, déjà trop respectueux pour s'en plaindre, il les aurait excusées pour des raisons tirées de la manière de voir des hommes à ce sujet. Maintenant, il est nécessaire d'expliquer le dévouement extraordinaire de cette belle et noble femme. Et voici l'histoire de sa vie en peu de mots. Dans un village, situé sur les extrêmes frontières de la Lorraine au pied des Vosges, trois frères, du nom de Fischer, simples laboureurs, partirent par suite des réquisitions républicaines à l'armée dite du Rhin. En 1799, le second des frères, André, veuf et père de Madame Hulot, laissa sa fille aux soins de son frère aîné, Pierre Fischer. Par un hasard assez naturel, Hulot, qui vint à Strasbourg, vit la famille Fischer. Le père d'Adeline et son jeune frère étaient alors sous-missionnaires des fourrages en Alsace. Adeline, alors âgée de 16 ans, pouvait être comparée à la fameuse Madame du Barry, comme elle, fille de la Lorraine. C'était une de ces beautés complètes, foudroyantes, que la nature fabrique avec un soin particulier. Elle leur dispense ses plus précieux dons, la distinction, la noblesse, la grâce, la finesse, l'élégance, une chair à part, un teint broyé dans cet atelier inconnu où travaille le hasard. Aussi, la voyant, l'ordinateur fit-il de Mademoiselle Adeline Fischer sa femme dans le temps légal, au grand étonnement des Fischer, tous nourris dans l'admiration de leur supérieur. Ce mariage fut pour la jeune paysanne comme une assomption. La belle Adeline passa sans transition des bouts de son village dans le paradis de la cour impériale. En effet, dans ce temps-là, l'ordonnateur, l'un des travailleurs les plus probes, les plus actifs de son corps, fut nommé baron, appelé près de l'empereur et attaché à la garde impériale. Cette belle villageoise eut le courage de faire son éducation par amour pour son mari, de qui elle fut exactement folle. L'ordinateur en chef était d'ailleurs, en homme, une réplique d'Adeline en femme. Il appartenait au corps d'élite des beaux hommes, grand, bien fait, blond, l'œil bleu, et d'un feu, d'un jeu, d'une nuance irrésistible, la taille élégante. Homme à conquête et imbu des idées du directoire en fait de femme, sa carrière galante fut alors interrompue pendant assez longtemps par son attachement conjugal. Pour Adeline, le baron fut donc dès l'origine une espèce de dieu qui ne pouvait faillir. Elle lui devait tout, la fortune, elle eut voiture, hôtel et tout le luxe du temps, le bonheur. Elle était aimée publiquement. Un titre, elle était baronne. La célébrité, on l'appela la belle Madame Hulot, à Paris. Enfin, elle eut l'honneur de refuser les hommages de l'empereur qui lui fut présent d'une rivière de diamants et qui la distingua toujours, car il demandait de temps en temps « Et la belle Madame Hulot, est-elle toujours sage ?» Un homme capable de se venger de celui qui aurait triomphé là où il avait échoué. Il n'a donc pas besoin de beaucoup d'intelligence pour reconnaître dans une âme simple, naïve et belle, les motifs de fanatisme que Madame Hulot mêlait à son amour. Après s'être bien dit que son mari ne saurait jamais avoir des torts envers elle, elle se fit, dans son fort intérieur, la servante humble, dévouée et aveugle de son créateur. Après 12 ans de fidélité à sa femme, le baron a commencé à la tromper. La baronne revoyait toujours ses 12 années de bonheur